Chapitre 2. Un matin, Édouard, au moment de sortir pour se rendre au palais, aperçut Raton, nonchalamment couché sur les dossiers qu'il devait emporter à l'audience. Permis à Tom de prendre une telle liberté. Mais de la part de Raton, c'était une irrévérence qu'on ne pouvait châtier trop sévèrement. L'indiscret Angora, vigoureusement saisi par le cou, alla décrire dans toute la largeur du salon une courbe dont l'extrémité rencontra sur la cheminée un très beau vase en porcelaine de Saxe. Ce vase était un cadeau que Louise avait reçu tout récemment à l'occasion de sa fête. Elle y tenait d'autant plus qu'il lui venait de sa meilleure amie de pension. Attirée par le bruit, elle n'eut pas de peine à reconnaître le vrai coupable dans son mari, dont cet accident avait doublé la fureur. « Vous m'avez appris, monsieur, à ne plus m'étonner de rien, » dit-elle, en ramassant les précieux débris. « Eh, madame, prenez-vous-en à cette maladroite bête que je trouve étendue sur mes papiers, que j'envoie chercher en l'air à un autre canapé, et qui va stupidement s'abattre sur ce vase que, certes, je n'avais point visé. Cette maladroite bête n'a fait que vous épargner l'initiative d'une galanterie dont vous n'eussiez pas manqué de me ménager, un de ces jours, la surprise. J'admire votre perspicacité vraiment merveilleuse, et surtout la grande amabilité de vos suppositions. Mes suppositions d'aujourd'hui n'ont rien de forcé. Si je me reporte à mes souvenirs d'hier, il est fâcheux que votre mémoire en ce qui concerne vos procédés à mon égard ne vous serve pas aussi bien. Mes procédés ne sont, en raison des vôtres, que de bien faibles représailles. Vous jouez à ravir le rôle de victime. On ne vous contestera point la palme dans celui de tyran. Mon Dieu, quand la tyrannie pèse si fort. L'esclave se soustrait au joug, n'est-ce pas ce que vous voulez dire, monsieur? En tout cas, rien de plus facile. Les maris, pour appuyer ce pouvoir absolu qui fait tant crier les femmes, n'ont point de bastille à leur disposition. S'ils en avaient, la plupart s'empresseraient d'en ouvrir les portes toutes grandes, à la seule condition de ne plus entendre parler de leur prisonnière. Cette opinion pourrait bien être pas trop déraisonnable. Aussi ai-je songé sérieusement à contenter votre secret désir. En vérité, vous ne m'avez point habitué à de pareilles prévenances. Ma mère m'a déjà offert un asile. Ah, vous êtes femme de précaution et d'exécution. Quand vous voudrez. Ce sera dès ce soir, monsieur. Le plus tôt sera le mieux, madame. La querelle en était là quand la femme de chambre accourut. Madame, voilà le docteur. Louise, indisposée depuis quelques jours, avait donné ordre de faire venir son médecin. De toutes les brouilles du jeune ménage, aucune encore n'avait été poussée si loin. Édouard salua le docteur et sortit après avoir lancé un regard de superbe dédain à sa femme qui ne demeura pas en reste avec lui. Que se passe-t-il entre Louise et son médecin? Rien que de très ordinaire. Le docte et grave personnage interrogea le pouls de la malade, s'informa de son appétit, de son régime, de la disposition habituelle de son esprit. Puis, ayant établi en quelques mots son diagnostic, il signa une toute bénigne ordonnance et se retira. Cependant, à peine avait-il pris congé de Louise, qu'elle s'était laissée retomber sur son fauteuil, immobile et pensive. Bientôt, deux torrents de larmes s'échappèrent de ses yeux. « Suis-je assez malheureuse ? » s'écria-t-elle avec l'accent du désespoir. Mais ce désespoir ne fut pas de longue durée. Peu à peu, son front se rasséréna. Le sourire reparut sur ses lèvres. Ses joues, un moment décolorées, reprirent tout leur éclat. Un rayon de joie brilla même dans son regard. « Oui, » fit-elle avec exaltation, « c'est un devoir sacré. Je saurai l'accomplir. » Et presque aussitôt, elle ajouta, « Un devoir. Je veux en faire un plaisir. Je veux y trouver mon bonheur. » À cette agitation succéda le calme d'une douce rêverie. Il fallait que le sujet de cette rêverie fût d'un intérêt bien puissant. Louise oublia de se coucher. Elle n'alla point non plus chez sa mère, comme elle en avait menacé son mari. Édouard, de son côté, ne passa pas une nuit des plus tranquilles. S'il était convaincu de son droit, au fond, il n'avait pas une égale assurance d'avoir raison dans la forme. Peut-être, pensait-il, ai-je été provoquant au-delà des bienséances. C'est toujours un devoir pour le fort d'user de ménagement envers le faible. Je pouvais, sans rien céder de mes prérogatives, employer dès le début un ton plus modéré, des expressions plus conciliantes, persuader et non commander, dorer la chaîne au lieu d'en montrer le fer. Et puis, n'ai-je point poussé jusqu'à l'exagération les conséquences de mon droit? Arbitre souverain dans les occasions sérieuses, ne devais-je point adoucir les effets de cette supériorité en montrant que dans les petites choses, je savais être de facile composition? J'ai eu des torts, il faut bien le reconnaître, et des torts irréparables. Car au point de vue où nous sommes arrivés, il est impossible que je revienne sur mes pas. Il me suffirait sans doute d'une démarche, d'une parole de regret pour empêcher un éclat que je déplore, Mais dans cette démarche, Louise ne verrait que le triomphe de ses principes. Mais cette parole, si je la prononçais, serait mon abdication. Il est donc inutile de regarder en arrière. Le mal est fait, il est sans remède. Subissons-le avec fermeté et philosophie. On peut juger quelle fut la surprise d'Édouard quand, le lendemain, à l'heure du déjeuner, il vit Louise reprendre à table sa place habituelle. En vain, il chercha dans sa physionomie quelques traces de la colère qui l'avait animée la veille. Elle avait le visage parfaitement calme, seulement ses traits étaient pâles. Édouard, attribuant à une indisposition ce qui était la suite naturelle d'une nuit sans sommeil, ne crut pas pouvoir se dispenser de faire à sa femme la politesse de cette question banale. « Vous êtes souffrante, madame ?»« Je l'ai été, répondit Louise. À présent, je me crois guérie. » Le son de sa voix était d'une douceur extrême. Édouard en fut tout saisi d'étonnement. Vers la fin du repas, Louise dit à Rose, « C'était hier l'ouverture de la chasse. Tâchez de vous procurer des bécassines. Vous les accommoderez pour le dîner. » La cuisinière se fit répéter un ordre qu'elle croyait avoir mal compris. « Mais, objecta-t-elle, n'ai-je pas entendu dire à madame qu'elle avait pour les bécassines une répugnance invincible ?»« Mon mari les aime, cela suffit. » Édouard jugea la chose trop peu importante en elle-même pour demander l'explication de ce revirement imprévu. Mais il ne put s'empêcher de remarquer que le projet de séparation qui devait s'effectuer la veille paraissait au moins ajourné, que sa femme lui faisait une concession, la première depuis qu'ils étaient mariés, et que pendant toute la durée du déjeuner, elle n'avait eu pour lui ni regard menaçant, ni parole amère, ni mordante épigramme. « Puisque nous avons des bécassines à dîner, » fit-il avec un air de bonne humeur, « vous devriez, Louise, inviter votre oncle Joseph à venir en prendre sa part. » L'oncle Joseph était un de ceux sur qui monsieur vengeait le plus souvent ses amis des mauvais procédés de madame. Édouard avait donc répondu à la prévenance de Louise par une autre prévenance. Cependant, il se tenait sur ses gardes. « Les femmes sont à droite, » pensait-il. « Ce qu'elles ne réussissent point à emporter de force, elles essayent de l'obtenir par la ruse. Qui sait si cette déférence inattendue n'est point une amorce à ma générosité? Peut-être espère-t-on m'entraîner par la reconnaissance sur cette pente rapide des concessions qu'il est impossible de remonter lorsqu'on l'a une fois descendue. Loin de moi sans doute la pensée d'opposer à une riante figure un visage rébarbatif. Mais on peut se dérider le front sans pour cela être obligé de faire acte de faiblesse. Et j'aurai soin de ne point départir d'une fermeté non moins nécessaire que prudente. » Ainsi se trouvèrent suspendues les hostilités entre Édouard et Louise. Tous deux paraissaient mettre la plus grande attention, l'un de parti pris, l'autre par réciprocité, à s'interdire les allusions fâcheuses, les réflexions déplaisantes, les expressions agressives. Mais comme ils avaient perdu l'habitude de se dire des choses aimables, celles-ci ne vinrent pas en abondance, et plus d'une fois la conversation tourna court. Ce n'était pas, on le voit, tout à fait la paix, c'était seulement une de ces trêves qui la prépare, et pendant lesquelles les soldats des deux camps, sans se serrer encore la main, se contentent de se saluer. La journée avait trop bien commencé pour finir mal. Édouard, dans un de ces moments de retour où l'on se fait à soi-même sa confession, se rappela le voyage aérien du malheureux raton. Il en conçut un remords sincère, et chercha des yeux l'Angora, afin de se mettre en paix avec sa conscience, en lui accordant au moins l'indemnité d'une caresse. Mais Raton n'était ni sur le tapis, ni sur le divan, ni même sur les dossiers, qui avaient été le point de départ de son saut périlleux. « Où donc est allé se cacher ce pauvre Raton ?» demanda-t-il à la femme de chambre. « Raton n'est plus ici, monsieur. Je l'ai porté ce matin à la mère de madame, à qui madame en a fait présent. » Raton, l'antipathie de monsieur, la prédilection de madame, le prétexte de tant de brouillerie, Raton était banni du logis. La chose parut à Édouard si extraordinaire, si incompréhensible, qu'il se la fit répéter plusieurs fois avant d'y croire. Invité par Louise à la recommandation d'Édouard, l'oncle Joseph ne pouvait guère se dispenser de répondre par une acceptation. Ce ne fut pas toutefois sans une certaine répugnance qu'il se rendit aux instances pressantes de sa nièce. L'accueil qu'il recevait dans la maison Laverny, où il allait le plus rarement possible, était peu fait pour le tenter. Pendant tout le temps que duraient ses visites, la verve épigrammatique d'Édouard ne tarissait point à son sujet, et Tom ne cessait de lui montrer les dents, jaloux de mettre sa pantomime à l'unisson des sentiments de son maître. Or, l'oncle Joseph était un excellent homme, vivant en crainte des sarcasmes et des morsures. Grande fut donc sa surprise lorsqu'à son entrée dans le salon, il vit Édouard venir à sa rencontre, avec un sourire de bon aloi, lui serrer cordialement la main, et ne trouver que de bonnes choses à lui dire. Un autre sujet d'étonnement lui était réservé, peut-être plus agréable encore. Tom, le hargneux Tom, ne vint pas saluer son apparition du grognement accoutumé. « Est-ce que vous avez enfermé Tom ?» demanda à son neveu l'oncle Joseph émerveillé. J'ai fait mieux, répondit Édouard. À l'audience d'aujourd'hui, le conseiller Daniel m'a tant félicité de l'avantage de posséder un chien aussi beau que Tom et m'a paru le convoiter d'une ardeur si vive qu'à mon retour, je me suis empressé de lui envoyer l'objet de son admiration. Joyeux de trouver cette occasion de me défaire d'une bête incommode qui mordait mes amis et qui déplaisait à ma femme. Louise fit intérieurement cette réflexion. Il a apprécié mon sacrifice de ce matin et il y répond ce soir par un autre. Est-ce que par hasard j'aurais, en accomplissant un devoir, découvert la route du bonheur? Est-il besoin de dire que durant le reste de la journée, Louise fut d'une amabilité charmante et qu'Édouard ne laissa point aller son esprit au-delà des saillies innocentes, d'une franche gaieté? Quant à l'oncle Joseph, il était dans le ravissement. Il déclara en rentrant chez lui que quelques égards de plus et un chien de moins avaient fait de la maison de sa nièce un véritable paradis terrestre. Le jour suivant, Édouard, à son réveil, promenait ses regards autour de lui dans cette chambre d'amis où il était couché. Il se faisait sans doute cette remarque peu satisfaisante que s'il était venu chercher la tranquillité dans cette retraite, il y avait aussi trouvé la solitude. « Ah, dit-il en soupirant, si la journée d'hier n'était pas un rêve, ou si la métamorphose de Louise n'était pas un caprice. » Dans le même temps, Louise, procédant à sa toilette, met par habitude la main sur une de ses robes noires dont, Édouard, n'admet point la lugubre exhibition. Mais se ravisant aussitôt, elle va tirer de l'armoire, où elle est depuis un mois reléguée, sa toilette la plus fraîche, la plus coquette, la plus scintillante. Elle place une fleur dans ses cheveux, elle en met une autre à son corsage. Puis, cédant à l'influence qu'exerce sur son humeur les teintes riantes de sa parure, elle court d'une pièce à l'autre de l'appartement, chantant avec la gaieté du pinson, sautant avec la légèreté de l'écureuil, se regardant et s'admirant dans toutes les glaces. Dans ce mouvement perpétuel, il était impossible qu'à un moment ou à un autre, le hasard ne mit pas Édouard sur son passage. Le hasard prit assez promptement en pitié la patience de Louise. La rencontre des deux époux ressembla presque à un coup de théâtre. Louise, en robe rose, avec un doux sourire sur les lèvres, une expression de plaisir dans le regard, et jolie, de toute la différence d'une femme maussade à une femme en bonne humeur. C'était à en perdre la tête. À la vue de cette ravissante apparition, Édouard s'arrête. Son admiration se trahit par une exclamation involontaire. Effrayé de cette imprudente manifestation, il se dérobe par la fuite à un entretien dans lequel il craint de ne point conserver la fermeté d'esprit nécessaire. Mais il emporte en fuyant l'image de Louise. Longtemps encore, Louise de son côté entend résonner agréablement à son oreille l'exclamation admirative de son mari. Une seconde rencontre trouve Édouard mieux préparé, mais non moins charmé. « Votre toilette, madame, dit-il d'un ton qu'il essaye de maintenir dans les froides limites de la politesse, me fait remarquer pour la première fois que nous sommes assez tristement logés et dans un quartier bien solitaire. Notre appartement de la rue de Rivoli n'est pas encore loué. Nous y retournerons, si cela peut vous être agréable. » Louise témoigna par une gracieuse inclination de tête qu'elle sentait tout le prix de cette offre généreuse. En vérité, pensa-t-elle, à force d'obéir, je deviendrai maîtresse. Elle n'eût pas été femme si, en faisant cette réflexion consolante, ses lèvres ne se fussent pas épanouies dans un sourire de satisfaction. « Allons, je suis content de moi, » se dit Édouard, rentré dans son cabinet. « J'ai su, sans être faible, reconnaître une attention par une attention équivalente. J'ai acquitté mes dettes en galant homme, et non en imbécile. » Dans le contentement que lui inspire cette approbation de lui-même, il s'empare de sa flûte et se met à exécuter un galop des plus entraînants. Tout à coup, il lui semble qu'aux sémillants éclats de son instrument, un lointain piano marie sur le même thème et dans le même ton ses notes non moins sémillantes. Il s'arrête. Le piano se tait. Il recommence sur un mouvement encore plus vif et le piano de s'abandonner à ses gammes les plus fringantes. Est-ce une illusion? Non, certes. C'est bien le piano de Louise qui, pour la première fois depuis si longtemps, se trouve d'accord avec la flûte d'Édouard. Charmé d'un plaisir dont la nouveauté double pour lui l'attrait, notre virtuose fait suivre le galop d'un adagio plein de sentiments et de tendresse. Au même instant, le piano murmure un accompagnement d'une douceur séraphique. Une touchante émulation inspire les deux instruments. La flûte chante et pleure. Le piano oublie sa nature légère et sautillante pour se faire moelleux et caressant. Emporté par l'irrésistible puissance de l'harmonie, les deux âmes des exécutants semblent se confondre en une seule. Édouard n'y tient plus. Il s'élance hors de son cabinet. Un mouvement semblable précipite Louise hors du salon. Ils se rencontrèrent dans le couloir et tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Le professeur de musique de M. Jourdain devait finir par avoir raison. La chambre d'amis fut rendue ce jour même à sa destination première. « Qu'il est bon de s'entendre, disait Édouard assis un soir au pied de Louise, et levant sur elle un regard rayonnant de bonheur. « Nous avons été pourtant assez ennemis de nous-mêmes, répondait Louise, pour nous priver tout un mois de cette félicité. Quelle folie! Et la folie durerait encore, monsieur, si je n'avais eu la salutaire inspiration de me résigner à faire le premier pas. Tu es un ange, je ne me pardonnerai jamais de m'être laissé devancer par ta générosité. Je suis trop franche, mon ami, pour te laisser attribuer à ma générosité ce qu'il n'était que le résultat. » Louise parut hésiter. « De quoi ?» demanda Édouard, avec un ton mêlé de surprise et de curiosité. « Oh mon Dieu, d'une simple révélation !»« Ah, et cette révélation, d'où te vient-elle » « D'un mot, d'un seul mot, de notre bon docteur. Ce jour-là, je t'avais menacé d'une séparation, et j'étais résolu à ne point reculer devant l'exécution de ma folle menace. Mais à peine ce mot magique eut-il été prononcé, qu'il se fit une révolution dans mes idées, et que mes yeux s'ouvrirent à une lumière nouvelle. La lutte de taquinerie et de contradiction dans laquelle nous nous étions engagés me parut misérable, ridicule et funeste. J'ai compris qu'en donnant à l'homme la force et l'énergie, Dieu avait entendu faire de lui le protecteur, le guide et par conséquent le chef de la famille. Mais en compensation de cette autorité incompatible avec les organes délicats et faibles de la femme, j'entrevis en même temps pour elle une douce et noble prérogative, suffisant à satisfaire l'ambition la plus difficile, l'orgueil le plus élevé, une mission sainte, presque divine, dont l'accomplissement fait qu'elle devient pour tous un objet de vénération et d'amour. De ce moment, j'eus un repentir sincère de la faute où m'avait conduite une fausse opinion du rôle que j'étais appelé à jouer dans le monde, et je me promis à moi-même même de mériter, à force de dévouement et de tendresse, le pardon de mes torts. La bonté de ton cœur et ton indulgence m'ont heureusement rendu la tâche prompte et facile. Je n'hésite point à me dire aujourd'hui la plus heureuse des femmes. » Édouard approcha de ses lèvres une des mains de Louise qu'il tenait entre les siennes, mais voyant, après un instant de silence, qu'elle ne reprenait pas un discours dont le sens lui paraissait encore incomplet. « Tu oublies, dit-il en attachant sur sa femme un regard impatient, de me faire connaître le mot tout puissant du docteur auquel je dois un si précieux retour. Ce mot vient, mon ami. Tu le devineras sans que j'aie besoin de le prononcer. » Louise, prenant son mari par la main, le conduisit à son cabinet de travail, élégant réduit dont la porte ne s'était pas encore ouverte pour Édouard depuis qu'ils étaient rentrés en possession de leur appartement de la rue de Rivoli. Au milieu du cabinet, il y avait un berceau.